Dernier épisode de la semaine aussi pour Histoire vivante avec Jean Leclerc. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Se porteront donc sur Genève ce matin. La guerre ou la paix, c'est aussi simple, c'est aussi grave que cela. Nous n'avons aucun grief ni ressentiment à l'égard du peuple irakien. Notre problème, c'est son gouvernement. Tôt ce matin, l'exode a repris. Histoire vivante, cette semaine, les dessous de la guerre du Golfe. La guerre est à nouveau entrée dans la vie des Irakiens. Je pense qu'on ne peut plus pratiquement rien faire. Je crois qu'on a sous-estimé d'ailleurs la détermination depuis le début de Saddam Hussein. De la crise de Suez à la tempête du désert. 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Les sirènes viennent de retentir dans tout Israël. Avec les marines, on a pris le Koweït en 24 heures. L'armée de terre a traversé le sud de l'Irak et l'a pris aussi en 24 heures. Aujourd'hui, l'invasion du Koweït. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 1979, Saddam Hussein n'a guère perdu son temps. Avec l'appui des Occidentaux qui, comme lui, n'ont qu'une idée en tête, endiguer la vague d'intégrisme islamique, il envahit l'Iran, gaze les Kurdes et les troupes de Khomeini et bombarde Téhéran. La guerre contre l'Iran s'achève le 8 août 1988. Mais depuis la mi-juillet, une autre affaire occupe l'esprit de Saddam Hussein. Le Koweït, en violation des accords signés avec l'OPEP, décide d'extraire davantage des puits situés dans une zone frontalière revendiquée depuis toujours par l'Irak et qui fait l'objet d'âpres controverses diplomatiques. En prenant la décision d'augmenter sa production pétrolière, le Koweït va provoquer Saddam Hussein. Sa colère ne va pas s'arrêter là puisque Hussein va accuser les pays arabes, producteurs de pétrole, de servir d'instrument à un complot impérialo-sioniste contre l'Irak. Quant au point de vue de M. Hussein sur l'État d'Israël, eh bien, il suffit de se reporter à son passage sur TF1. Si nous avions des armes nucléaires, nous n'aurions aucune gêne à le dire, car vous savez qu'Israël possède l'arme nucléaire, et c'est grâce aux déclarations politiques et médiatiques occidentales que nous le savons. Mais nous ne possédons pas l'arme nucléaire. Pourtant, pour le principe, discutons cette logique qui ne tolère pas aux Arabes et aux musulmans ce qu'elle tolère aux autres. Les USA et l'URSS sont parvenus à la paix grâce à l'équilibre des forces. Et vous, en Occident, vous adoptez une telle logique pour parvenir à la paix. La preuve en est que la France possède l'arme nucléaire. Pourquoi alors l'Occident ne s'offusque-t-il pas? Ne proteste-t-il pas? Ne s'inquiète-t-il pas des capacités de destruction d'Israël? Fin juillet, pour dénouer la soudaine tension naissante entre le petit Koweït et le grand Irak, une coalition inter-arabe tente une ultime rencontre diplomatique. Chapitre 1. La négociation de Jeddah, le grand flop de l'année 88. Les observateurs de cette négociation notent que celle-ci se déroule dans un étrange climat fait de faux fuyants, de non-dits. La délégation irakienne est venue avec une demande précise, obtenir un prêt de 10 milliards de dollars afin de compenser les pertes liées à la décision du Koweït. Le Koweït veut bien prêter les sous, mais seulement 9 milliards de dollars. Non pas que les fins de mois soient difficiles, avec ses investissements internationaux, le Koweït a largement de quoi payer, mais il paye pas. Enfin, il paye pas tout. L'Arabie Saoudite, sentant qu'une telle décision pourrait bien causer une fâcherie, propose, par la bouche du roi Fahd, présent lors des négociations, de débourser 1 milliard de dollars en litige, un don assorti d'aucune condition. L'ambiance devient soudainement légère, le roi Fahd va faire dodo, mais le représentant koweïtien évoque soudainement la question des frontières. Brusque sursaut des Irakiens qui ne comprennent pas que la question n'ait pas été amorcée plus tôt. Excuses vaseuses des koweïtiens évoquant qu'ils avaient reçu l'ordre de l'émirat de commencer par là. Bref, la discussion dérape brutalement. « Vous avez intérêt à payer », éricte-t-on d'un côté. « On vous donnera des sous si on veut », réplique-t-on de l'autre. Les deux délégations quittent les négociations sans un mot, sans un regard. Et ça va pas s'arrêter à la bouderie. Les Irakiens repartent d'Arabie Saoudite sans même saluer leur hôte. Aussitôt arrivé à Bagdad, Saddam Hussein est mis au courant. Une réunion des membres du Conseil du commandement de la Révolution est convoquée de toute urgence. En moins d'une heure, la décision est prise. On envahira le Koweït. L'offensive sera déclenchée le soir même et à Moscou, le secrétaire d'État James Baker et son homologue soviétique Edouard Shevardnadze relativisent la gravité de la situation. Pour les soviets, Hussein est un client qu'ils connaissent bien. Shevardnadze est certain qu'il ne peut en aucun cas avoir préparé une invasion du Koweït. Ensemble et fort de cette analyse, ils se rendent à une conférence de presse alors que les troupes irakiennes ont déjà franchi la frontière. Chapitre 2. Une question frontalière qui ne connaît pas de frontières. La monarchie koweïtienne, les Al-Sabah, qui a joué du yo-yo au moment de l'histoire du prêt $1 million, sait qu'elle n'a rien à attendre de particulièrement tendre du moustachu de Bagdad. Elle a tôt fait de s'engouffrer dans ses immenses limousines et là de rejoindre l'ambassade américaine, puis de monter à bord d'appareils militaires prêts à décoller. Depuis les airs, elle pourra ainsi assister, impuissante, à l'avancée cataclysmique des troupes irakiennes. Rien de tel que de prendre un peu de hauteur dans les moments calamiteux. À 8h du matin, tout est consommé et le reste de la planète se réveille avec la gueule de bois, surtout les pays fortement dépendants des importations pétrolières. Les places boursières vont quant à elles avoir carrément des walkers. Tout ceci va entraîner une vague de réactions dans la plus pure tradition des indignations officielles. On parle de sauvage agression, ou mieux encore, d'invasion illégale, sans s'attarder trop longuement sur ce que pourrait être une invasion légale. La Grande-Bretagne gèle les avoirs irakiens. La France fait pareil. L'URSS décide d'arrêter ses livraisons d'armes à l'Irak. Le Brésil, l'Italie, la Tchécoslovaquie et la Pologne suspendent leurs ventes d'armes. C'est malheureux pour le PNB, mais enfin quand même, il y a une morale. Le Japon, la RFA, l'Italie et la Belgique décident de geler les avoirs, puis c'est au tour de la communauté économique européenne de mettre l'embargo sur les importations de pétrole irakien et koweïtien, ainsi que sur les ventes d'armes à l'Irak. Enfin, le Conseil de coopération du Golfe, Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Qatar et Émirats Arabes Unis condamnent fermement l'Irak. En plus, la dernière fois, ils sont partis sans dire au revoir. Si avec ça, l'opinion publique devait se montrer favorable à Saddam Hussein, ça serait à désespérer. La première à démarrer sur les chapeaux de roue, eh bien, c'est l'américaine. Quand on lui évoque le titre générique de l'opération « Tempête du désert », c'est une standing ovation. Fayrouz, Fayrouz, elle est une star dans tout le monde arabe, bien que d'origine libanaise et chrétienne. Et en Irak, évidemment. Elle chante ici El Koweït. مد شراع وشط يموت Chapitre 3. Seul contre tous. Ta-ta-ta. Le 3 août, les États-Unis ont affûté les Boys et annoncent l'envoi de forces navales dans le Golfe. Le 4, les États-Unis font pression sur la Turquie pour qu'elle ferme l'oléoduc en provenance d'Irak. Le président Özal tentant de faire baisser la pression en déclarant que la question devrait être étudiée calmement au sein de l'OTAN. Le 5 août, le Japon suspend ses relations commerciales et financières avec l'Irak. Quant à la Chine, elle met un terme à ses ventes d'armes à l'Irak. Le 6 août, les Nations Unies décrètent le boycott financier, commercial et militaire de l'Irak. Elles enjoignent celui-ci d'évacuer le Koweït. En 3 jours, c'est la démonstration évidente d'une morale géopolitique quasi unanime. Ça devrait donc se négocier à l'amiable. Manque de peau, côté Irak, on fait plutôt dans le buté et le lendemain de l'invasion, voilà qu'un gouvernement provisoire annonce la proclamation de la République du Koweït et abolit donc le régime monarchique. En 24 heures, la deuxième couche s'appellera fusion totale et irréversible entre l'Irak et le Koweït. Chapitre 4. On appelle ça un été pourri. En un rien de temps, on annonce la fermeture officielle des frontières aux étrangers, puis le Conseil de sécurité sort ses crayons et ses gommes et se fend un texte définitif. L'annexion du Koweït par l'Irak, quelle qu'en soit la forme et le prétexte, n'a aucun fondement juridique et est nulle et non avenue. Pour faire plier Saddam Hussein, il faudra plutôt sortir l'artillerie lourde. Il faut dire qu'en quelques heures, Saddam Hussein contrôle désormais 20% des réserves mondiales du pétrole et dispose de 200 km de côte qui lui donnent un accès direct au golfe arabo-persique. Et c'est pas seulement pour le plaisir d'avoir la vue. À la mi-août, Bagdad, qui ne se sent pas les mains tout à fait assez libres et n'apprécie guère la présence des navires de guerre américains dans les parages, menace d'utiliser les ressortissants occidentaux comme boucliers humains en Irak et au Koweït. Grosse panique, Saddam est désormais appelé le boucher de Bagdad. À la fin du mois, l'Irak proclame le Koweït 19e province du pays. Début septembre, Bush et Gorbatchev se retrouvent à Helsinki. Le communiqué final commun condamne l'invasion du Koweït, ça fait une belle jambe, et presse l'Irak de se retirer, ce qu'ils ne feront évidemment pas. Ce sont bientôt 200 000 hommes qui sont envoyés dans le Golfe. Les semaines d'automne passent avec pression générale sur Hussein, qui joue au chat et à la souris, et fait en permanence la une de l'actualité. Et puis soudain, début décembre, coup d'éclat. Saddam fait le gentil. Il annonce la libération des otages retenus par Bagdad. Alors, info ou intox? Les réactions sur les antennes au moment de cette nouvelle, Washington saute au compliment, on n'est jamais si bien servi que... Enfin, vous savez. First of all, I think we should acknowledge that this is a welcome and significant development. Il faut d'abord admettre qu'il s'agit là d'un développement bienvenu et significatif. Deuxièmement, cela ne doit nullement affaiblir notre détermination pour que cesse l'agression de l'Irak contre le Koweït et que soient respectées les résolutions du Conseil de sécurité. C'est enfin le signe que notre stratégie faite de pression militaire et diplomatique porte ses fruits. That our strategy of diplomatic and military pressure is working. Propos tenus par James Baker aux membres de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre devant laquelle il déposait. D'ici que l'Irak passe aux actes, libère effectivement ses otages et en attendant qu'aient lieu les premiers entretiens directs entre Bagdad et Washington, les États-Unis ne vont pas modifier leur position. La James Baker a été très claire. La stratégie américaine est faite de démarches politiques et diplomatiques, de sanctions économiques et de la menace potentielle d'une offensive militaire et cette stratégie est indivisible. Claude Froidevaux, Washington, Radio Suisse Romande. En fait, depuis peu, les Nations Unies ont fait monter la tension en approuvant une résolution préconisant l'utilisation de tous les moyens nécessaires pour forcer les Irakiens à quitter le Koweït, s'ils ne l'ont pas déjà fait, le 15 janvier. Traduction de tous les moyens nécessaires. On est dès lors rentré dans le compte à rebours. Deux jours avant Noël, Hussein gâte la dinde en annonçant haut et fort qu'il ne lâchera pas le Koweït et il gâche franchement les fêtes quand il affirme qu'il utilisera les armements chimiques en cas d'attaque. Et la Suisse dans tout ça? Eh bien, la Suisse fait parler d'elle dès la nouvelle année et monte au créneau en se proposant d'être la ville de la médiation. René Felbert, le chef du département fédéral des affaires étrangères, en ses débuts d'année 91, est au micro de la radio suisse romande. Naturellement, nous ne pouvions pas rester totalement immobiles et impassibles à ce qui se passait devant l'échéance du 15 janvier, ce qui fait que dès avant Noël, nous avions fait ce type de proposition aux États-Unis, en leur demandant de le faire, l'autorisation de le faire en même temps en Irak. Donc nous avions fait cette proposition en disant, si vous avez des difficultés à vous rencontrer, nous vous soumettons la proposition suisse de vous rencontrer en Suisse. Le rôle de la Suisse sera celui de l'organisation, de la détermination du lieu, etc., éventuellement d'une présence le plus discrète possible, parce qu'en définitive, il faut laisser essayer de se rencontrer. Les deux, en l'occurrence leurs représentants, James Baker et Tarek Aziz. Côté info, tout intro rime avec un terreau. Vont-ils s'entendre ou pas? Qui va accepter de faire le premier pas? En acceptant des propositions, l'un va-t-il provoquer le refus de l'autre? Un début d'année décidément extrêmement élevé sur le plan de la maturité. En attendant la grande rencontre, les déclarations se multiplient sur le Golfe, ainsi ce haut responsable américain qui laisse entendre que les États-Unis n'attaqueront pas l'Irak si Bagdad a entamé, même seulement entamé, le 15 janvier, un retrait du Koweït. Dès lors, Genève aide dans tous ses états, comme en plus les deux vont accepter, après bien sûr quelques petites coquetteries, de se rencontrer à Genève. On va bientôt frôler l'extase et le 9 janvier 1991, ils débarquent à Cointrin. Ils sont arrivés hier soir à l'aéroport de Genève-Cointrin. Le premier, le chef de la diplomatie irakienne, Tarek Aziz, a souligné qu'il aborderait la rencontre cruciale prévue ce matin à l'hôtel intercontinental avec l'esprit ouvert et qu'il souhaitait aborder l'ensemble des problèmes du Proche-Orient. Le second, le secrétaire d'État américain James Baker, n'a fait aucune déclaration, mais il est porteur, on le sait, d'un message du président George Bush au chef de l'État irakien Saddam Hussein. Mais évidemment, personne ne peut en avoir connaissance avant Tarek. Tarek Aziz est connu depuis fort longtemps comme un homme courtois, mais absolument intraitable. C'est, si l'on veut, la version policée de Saddam Hussein, qui lui ne sait pas se conduire dans les salons, on le sait bien. Alors voici les mots subtils, mais fermes, qu'il énonce dès son arrivée. Jürg Bisseger assure pour nous la traduction. I have come in good faith. I am open-minded and I am ready to conduct positive, constructive talks with Secretary Baker if he shows. Je suis venu de bonne foi. Je suis ouvert et prêt à des conversations positives et constructives avec M. Baker s'il a la même intention. S'il y a une intention authentique, sincère et sérieuse d'instaurer la paix dans tout le Moyen-Orient, nous sommes prêts à des concessions réciproques. Si nous allons entendre le même genre de discours comme il a été répété ces derniers mois, nous allons donner la réponse appropriée. Give the proper answer. Pour un pays qui a évoqué il y a peu la possibilité d'un recours à l'armement chimique, cette réponse est claire et rassure peu l'opinion. Dans sa grande majorité, celle-ci est favorable à une intervention militaire américaine, ce qui n'empêche les mouvements de manifestants pacifistes, notamment à Genève. Certains ont même fait quelques kilomètres pour faire valoir leur point de vue. Moi, je suis américaine et je suis avec un groupe des Américains ici pour une solution pacifique dans le Golfe. Et nous avons écrit hier une lettre à M. Baker, le secrétaire d'État des États-Unis, demandant une solution pacifique à ce conflit. Nous sommes ici avec les bougies, c'est un symbole de la paix. Et il faut vraiment empêcher une guerre dans le Golfe pour sauver les vies, pour sauver l'environnement, parce que s'il y a une guerre dans le Golfe, il serait horrible pour les êtres humains, pour l'environnement et aussi pour l'économie de tout le monde. Bruce Springsteen reprend ici un titre d'Edwin Starr. Le boss l'interprète surtout en concert. Le titre est clair et net. War, la guerre. Thank you. sont courts ici à Bagdad et dans les rues, il y a les embouteillages habituels. Mais il n'y a sans doute pas un Irakien qui ignore que le sort de la guerre ou de la paix se joue en ce moment même à Genève. L'homme de la rue a manifestement du mal à croire réellement au risque de guerre, même si les stations d'essence sont prises d'assaut par des automobilistes prévoyants. Par contre, dans les ministères irakiens, l'inquiétude perce. Personne ne s'attend pourtant ici à un miracle qui se déroulerait aujourd'hui même à Genève. La marge de manœuvre du chef de la diplomatie irakienne Tariq Aziz est en effet réduite et il devra sans doute rendre compte à Saddam Hussein du message de George Bush avant de réagir. Dominique Roque, Bagdad, Radio 6 Romande. Chapitre 5. Oncle Sam contre Nabucodonosor. La rencontre des deux chefs de diplomatie américaine et irakienne va durer 6 heures. Alors évidemment, une telle durée pourrait favoriser l'optimisme. Mais à sa sortie, James Baker fait une tête de 3 pieds de long, c'est un échec total. Tariq Aziz lui sourit, mais il précise aux journalistes que pour sa part, il sourit tout le temps, ni plus ni moins jour-là qu'un autre. Et de là, la seule question restante étant, va-t-on droit vers la guerre ? Tariq Aziz donne sa réponse. Well, that's up to the American administration to decide. I told Mr. Baker that we are. Eh bien, c'est aux Américains de décider. J'ai dit à M. Baker que nous sommes préparés, nous sommes prêts depuis le début. S'ils décident de nous attaquer, nous ne serons pas surpris. Nous avons notre expérience de la guerre. Et je lui dis que si l'administration américaine décide de nous attaquer, eh bien, l'Irak répliquera, se défendra avec bravoure. Nous sommes une nation courageuse et nous considérons profondément que nous avons été traités injustement. Il reste encore un tout petit atout pour éviter le conflit. Il s'appelle Javier Pérez de Cuellar. Il est à l'époque secrétaire général des Nations Unies. Avant de s'envoler pour Bagdad, il fait un peu le tour des popotes. Tout le monde lui souhaite bonne chance, bon courage, vas-y mon gars. Il s'envole pour Bagdad. Sur place, il poirote une journée entière et finit par rencontrer tout de même Saddam Hussein. Le reste est raconté par la correspondante de la Radio Suisse Romande à Bagdad, Dominique Roque. Pérez de Cuellar n'a eu droit qu'à 2h30 d'entretien avec Saddam Hussein, dont la moitié a été consacrée à la traduction. Le secrétaire général de l'ONU est resté très discret sur la teneur de ces entretiens qui se sont déroulés au palais présidentiel. Cette discrétion s'explique par le fait qu'il doit d'abord rendre compte au Conseil de sécurité de l'ONU des résultats de sa mission. Pérez de Cuellar a confirmé qu'il avait des idées pour un règlement, des idées qu'il a exposées à Saddam Hussein. Et il a ajouté que le point important était que tout le monde voulait la paix. Enfin, nous avons appris que Pérez de Cuellar était moyennement satisfait de sa mission. Et le reste appartient désormais à l'histoire. La guerre est à nouveau entrée dans la vie des Irakiens. Tous les réservistes ont rejoint au cours des dernières heures leurs unités et les soldats sont à leur poste. Ce qui crée, entre autres, une crise de transport dans les gares routières où beaucoup de chauffeurs sont dans les casernes. Côté diplomatique, l'exode se poursuit. Après les Européens et les Américains, c'est au tour des Arabes et des Africains de quitter l'Irak. Et dans les prochaines heures, les personnels des ambassades d'Algérie, du Tchad et du Sénégal seront évacués. À l'ambassade de France, on attend toujours les instructions. Dans quelques heures, Afar al-Batin prendra des allures de ville fantôme hantée uniquement par les militaires. À 80 km de la frontière irakienne et à quelques heures maintenant de l'ultimatum fixé par les Nations Unies, la population a préféré ne pas attendre. Tôt ce matin, l'exode a repris. Dans la boue et les flaques d'eau provoquées par les pluies de ces derniers jours, les habitants d'Afar al-Batin ont chargé leurs voitures. Les valises sur le toit, le matelas dans le coffre, ils ont pris la direction du sud entre les véhicules militaires, provoquant de gigantesques files d'attente service avant d'attaquer le désert. Depuis quelques minutes, tous les magasins, toutes les boutiques, les hôtels sont fermés. Les employés, généralement philippins, indiens, pakistanais ou bien soudanais, enfin libérés par leurs sponsors, c'est comme ça que l'on appelle ici les patrons saoudiens, quittent la ville, les uns en car, d'autres en voiture. Seuls restent les fameux sponsors saoudiens qui ont préféré attendre près de leur commerce de voir la suite des choses. Mais comme me le faisait remarquer tout à l'heure, avant son départ, Mohamed, le gérant soudanais de l'hôtel Al-Fao, il n'y a pas à s'inquiéter pour eux, ils ont eu les moyens de s'acheter des voitures rapides. Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. la guerre, la bataille pour la nation arabe a commencé. Mais les combattants irakiens partout ont fait face. Les combattants irakiens se sont battus comme des lions. Et ils vont défendre l'islam coûte que coûte. Bonjour et shalom, au micro Sylvain Vol. Les sirènes viennent de retentir dans tout Israël après une attaque aux missiles. Les Israéliens sont appelés à mettre leurs masques à gaz et à entrer dans les pièces calfeutrées. Personne ne doit descendre aux abris. Je répète, personne ne doit descendre aux abris. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.